Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé les frites belges en Belgique. Avec Robert Lafrite. Et toi, Lan, frites flamandes. La polémique faut la laisser aux politiciens, que les patates soient wallonnes, francophones, irlandophones, bruxelloises, germanophones, bien étrangères. Nous sommes belges, les frites c'est belge. Ouais, ouais. Ben le François, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a inventé le François ? Avec Robert Lafrite. La polémique, faut la laisser aux politiciens. Que les patates soient wallonnes, francophones, irlandophones, bruxelloises, germanophones, bien étrangères. Nous sommes belges, les frites c'est belge. Avec Robert Lafrite. Avec Robert Lafrite. Avec Robert Lafrite. Bonjour, ici Ben Bolander, à fêter les frites belges en Belgique. Bonjour, ici Ben Bolander, à fêter les frites belges en Belgique. Avec Robert Lafrite. Avec Robert Lafrite. Bonjour, c'est Ben Bolander. Qu'est-ce que vous avez Avec Robert Lafrite.